Soirée magique. Dans la stade, on envoie les sons de Monsieur Jackson. Les klaxons résonnent dans nos oreilles, ça bourdonne. Comme tous les samedis soirs, on a la fièvre. On débarque à la boîte dans le milieu de la nuit avec mes amis le Miam nu. On passe la porte et on danse déjà le Mia. On balaye du regard les gens qui ont donné leur sou pour devenir sous et sûr. La discothèque est bondée, ça commence à se dévergonder. On se retrouve plongé dans un micro-ondes d'ondes sonores. Les watts explosent, c'est le Big Bang dans nos têtes. Ce soir, c'est open bar. On fait quelques pas de breakdance. Puis, épuisé, on va au bar faire un break-break. On éparpille par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye au good vibe. On fait quelques pas de breakdance. Puis, épuisé, on va au bar faire un break-break. On éparpille par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye ou good vibe. Une rotation des yeux furtive dans cette atmosphère festive. Et j'entrevois des faciès maquillés, éparpillés par milliers. Dans les parages, des visages, une demoiselle de mon âge. Il faut qu'elle me lâche son numéro à tout prix. Un flash dans mes pupilles et ma mémoire la photographie. On laisse opérer la magie lors de ces nuits. On assiste à un show, show bouillant. La salle est en ébullition. Les silhouettes scintillent en quatre dimensions. Elles deviennent fluorescentes. On se déplace sur la piste en moonwalk. On tourne à trois coups de foudre par minute. Quelques pas de breakdance, puis épuisé, on va au bar faire un break break. On éparpille par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye ou good vibe. On fait quelques pas de breakdance, puis épuisé, on va au bar faire un break break. On est parti par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye, goodbye. Le spot gyroscopique amène mon regard sur une créature physique fantastique. La convoitise, elle attise. Elle déballe ses armes de séduction massive, c'est ma nouvelle cible. Sur la rythmique, elle s'applique, elle reste tonique. Devant son artillerie rythmique, je deviens amnésique. Elle enchaîne les techniques, elle déclenche la panique. Son déhanché n'arrange pas le réchauffement climatique. Chacun de ses pas s'accapare les regards. Je me dirige vers elle en zigzagant. Elle a remarqué que je l'ai remarqué. C'est dans ses bras que j'aime danser, ça devient caliente. Une bande de punk danse sur du funk, d'autres écoutent du hip-hop non-stop. On élimine des toxines jusqu'à la fin de la musique, puis on patiente jusqu'à la prochaine soirée magique. On fait quelques pas de breakdance, puis épuisé, on va au bar faire un break bref. On est parti par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye ou good vibe. On fait quelques pas de breakdance, puis épuisé, on va au bar faire un break bref. On éparpille par-ci, par-là, des pas rythmés. Notre vue n'est plus très nette, on retourne notre casquette. Ça danse dur, ça braque sec. Impossible de partir, on peut pas dire goodbye ou good vibe.